أماما جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء، أعيدوا إلى الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى يدي دون سون ليفر القرآن: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah Ta'ala dit dans une traduction approximative dans le Coran: est-ce que les gens pensent qu'on va leur laisser dire nous croyons sans qu'ils soient éprouvés? Et certes, nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux, afin que Allah Ta'ala sache qu'ils sont véridiques dans leur foi et qu'ils sachent qui sont les menteurs. L'épreuve est une souffrance qu'on ressent. Le fait d'envisager la souffrance comme un test permet de comprendre que ce n'est pas la souffrance qu'il faut regarder, mais aussi la manière dont on va réagir face à cette souffrance. Et dans la fausse souffrance, tu peux y réagir comme un véridique, alors tu auras gagné. Et tu peux t'y comporter comme un menteur, alors tu auras raté. Le véridique reste constant dans l'obéissance à Allah dans l'épreuve. Et le menteur désobéit à Allah dans la souffrance. Il fera l'illicite pour se libérer de la souffrance, comme fumer, prendre de la drogue ou insulter. Ainsi, la vie du musulman en général et les souffrances dont il subit dans ce monde sont des tests dont le véridique, en le gagnant par la patience, deviendra meilleur et que le menteur perdra par l'impatience. Et par cela, il deviendra encore plus pire qu'avant. Dans l'adversité, les gens montrent leur vraie nature. Ainsi comme disait un pieux prédécesseur, dans l'épreuve, le croyant revient dans sa foi et l'hypocrite revient à son hypocrisie. Comment le croyant revient-il à sa foi? Quand il est éprouvé par Allah Ta'ala, il pense à Allah. Il sait que Allah Ta'ala l'observe dans cette épreuve. Il sait que Allah Ta'ala regarde comment il se comporte dans cette situation difficile. Il cherche l'agrément d'Allah, n'insulte pas, ne fume pas, ne crie pas, ne se dogre pas. Et il continue à faire ses prières à l'heure et il continue toujours à avoir un bon comportement envers les gens. Tandis que l'hypocrite, dans la souffrance, abandonne la prière, ou bien il prie en retard, ou bien il a un mauvais comportement vis-à-vis des autres, ou bien il a des mauvais soupçons vis-à-vis d'Allah. Et il insulte les gens et se comporte mal envers ses enfants. Pourquoi? Car il ne supporte pas son épreuve et il le manifeste, le fait qu'il ne supporte pas cette épreuve, cette souffrance, en se comportant mal vis-à-vis d'Allah et en se comportant mal vis-à-vis des créatures, mal vis-à-vis des gens. Ainsi, la souffrance est un moment où le contenu des poitrines se révèle. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah.